12e chapitre La France poétique à Monsieur de Sainte-Beuve. Toi du navire Argot, passager intrépide, toi qui l'un des premiers, de l'art bouillant Alcide, bravant les vieilles lois sous lesquelles ployait le front du pur génie, pour l'affranchissement de notre poésie fis entendre ta voix. Toi dont le cœur rêvait l'heureuse colonie, où de l'art nous devions sous l'astre d'Aoni contempler l'âge d'or, où la verve en sa fleur de parfums embaumés, par un lyrisme pur saintement ranimé, prendrait un libre essor. Poète, quand ta main sur la sonore lyre savamment essayait, dans un noble délire, des accords inconnus, que ta voix généreuse annonçait à la France, prophète d'Apollon, que de la Renaissance les temps étaient venus. Oh, nous écoutions tous ta lyre harmonieuse, avides nous suivions ta marche curieuse, nul n'en semblait jaloux, fiers du même étendard, de la même pensée, nous répétions, croyant l'air poétisé, l'avenir est à nous. Puis, quand pour le scalpel indépendant critique aux pleurs de l'hélicon et du cœur poétique, tu délaissais le luth, nous te voyons encore guidant notre bannière, nous montrer bienveillant d'une main tutélaire notre glorieux but. Enfin, nous la touchions, cette heureuse Colchide. Après mille combats, notre flotte intrépide apercevait ses bords. De l'amant de Tétis nous atteignions les rives, et déjà nous mêlions à ses ondes plaintives le bruit de nos accords. Nous couronnions de fleurs la poupe triomphale, quand du lion soudain l'influence fatale vint obscurcir les cieux. Le soleil se leva dans une aube sanglante, et la cruelle hérisse unit sa torche ardente aux autans furieux. Ô malheureux Argot, fils chéri de Dodone, enfant des bois sacrés, quel danger t'environne, battu des flots amers, ah, déployant en vain tes voiles prophétiques, hélas, devons-nous voir tes débris sibylliques engloutis dans les mers? Un instant a suffi. La fougueuse tempête, dans ses noires fureurs, a foudroyé le faîte du temple des beaux-arts. Notre nef est brisée, et la mer en furie, luttant contre ses flots, voit de la poésie les adeptes épars. Quelques-uns cependant ont regagné la plage, que jadis au départ enflammée de courage, ils quittèrent adieu. Mais hélas, ce n'est plus l'heureuse Thessalie, aux champs semés de fleurs, levant enorgueillie sa tête jusqu'aux cieux. Livrée à la langueur, engourdie, abattue, ne cherchant plus au sein de la hautaine nue ses inspirations. Son front humilié se courbe vers la terre, elle si glorieuse, elle encore naguère reine des nations. Ils reviennent, ses fils, et dans la solitude, les uns se renfermant aux autels de l'étude, redemandent l'espoir. Les autres, saisissant l'arme de la critique, cherchent à nous montrer l'avenir poétique dans les champs du savoir. Oh, tout n'échappe point à la terre chérie, il reste à ses enfants aptitude et génie, poète aussi ton luth, de ta savante main l'étreinte fraternelle encourageant l'essor d'une lyre nouvelle et lui montrant le but. Non, il lui reste encore ta lyre courageuse, le scalpel bienveillant dont ta main généreuse guide vers l'avenir quelques luttes échappées au funeste naufrage, ou de naissantes nefs qui partant du rivage font cœur pour te bénir. Non, tout n'a point péri dans l'affreuse tempête, rappelant les élus à la sainte conquête de l'heureuse toison, relevant l'étendard, d'une voix éloquente nous te verrons un jour à l'ère triomphante désigner un jason. Novembre 1834.